Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock Port Show, votre émission de métal hebdomadaire, venue de France sur Radio Biz. Bonsoir mon cher Tom. Bonsoir. Ce soir nous sommes entre testostérone, entre paloches, hein. Et puis on aura un troisième paloche, une troisième paire de paloches au téléphone, sacré burné, hein. Puisqu'il s'agira de Ludo de Tagana Jones. Non, c'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, Tom. Et ça, j'adore. Tagana Jones. Mais non, Ludo. Bagdad non, Roléo, voilà, voyons. Ouais, Tagana Jones, on l'a déjà fait. Bah, hein. Arrête de dire n'importe quoi. Mais qui est con, Oui, mais c'est un singe. Allez, ce soir, j'aime les bananes. Après Tagana Jones, c'est Bagdad Roléo. Mais on vous parlera de Tagana Jones aussi. Ouais, oui, c'est comme ça. Voilà, donc c'est la 85e émission sur Radio Biz de la part du Rock Folk Show. On salue bien bas tous nos amis du Québec. Libres, hein, ils sont libres. Non, paraît-il. Paraît-il. Ils sont un peu comme Max, quoi. Ils sont libres. Nous avons commencé cette émission d'une triste manière, puisqu'il s'agit de rendre hommage au bassiste originel et membre fondateur de Molly Hatchet, qui nous a quitté en ce début de semaine. Donc on a passé un des titres où il œuvrait, où il apparaissait, sur l'album, le deuxième album de Molly Hatchet, qui s'appelait Flirting with Disaster, qui était sorti en 1979 chez Columbia. Voilà, c'est un groupe américain de Jacksonville, de Floride, qui nous font bien entendu du rock sudiste. Le groupe s'est formé en 1971 et nous rendons donc hommage à Banner Thomas, qui nous a quittés. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Il apparaît sur les quatre premiers albums en fait du groupe. Et puis paix à son âme. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Angsman Chase. Mon cher Tom, ils seront en concert. Ils seront en concert, exact. Ils seront en concert le 16 avril au Glazart avec Wolf. Toi, t'es méchant. T'es méchant. Pourquoi? Ah, bah, j'ai fait. Ah oui. Wolfenest, voilà. Funge. Wolfenest. Funge, Cowards et Délivrance. Exactement. Le Glazart, hein, c'est tout là-haut. Porte de la Villette. Enfin, au-dessus, ouais, même au-dessus. Au-dessus de la Porte de la Villette. Donc voilà, le nouvel album d'Angsman Chase est sorti chez Do It en avril 2016, me semble-t-il. J'ai marqué 2017, mais je crois que c'est avril 2016. Voilà, donc allez au concert, allez-y. Et maintenant, on va passer à quelques petites nouveautés, dont une que j'apprécie particulièrement. Et ça colle bien avec Molly Hatchet d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Deep Purple. Alors là, on retourne encore dans les trucs les plus vieux. Ça existe encore? Eh bien oui, ils existent encore. Et ils nous ont sorti le 7 avril un nouvel album qui s'appelle Infinite. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais en 72, ils avaient sorti un album qui s'appelait Infinity, In Rock. Et là, maintenant, c'est Infinite. C'est alors, qui a sorti un album Infinity? Infinity, c'était Stratovarius. Voilà. Donc là, l'album de Deep Purple s'appelle Infinite. Donc, est-ce que c'est le tout dernier album de Deep Purple? Est-ce qu'ils vont nous faire leurs adieux en studio? Infinite, l'infini, non? Oui, mais c'est In et Finite, en fait. Voilà comment ça s'écrit, avec un F d'accord. Majuscule. Parce que toi, t'as mis tout attaché. Sur oui, mais non, mais c'est tout attaché, mais le F est en majuscule. Et le, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un jeu de mots là-dedans. Ça sort chez ARR Music, et c'est le 20e album studio du groupe. Il contient 10 titres. Le groupe est anglais, bien évidemment. Ils font du hard rock, ils nous viennent de Birmingham. Ils se sont formés en 1968. J'avais un an. Est-ce que tu imagines? J'avais un an. J'avais moins. Wouhou. Ah, toi, t'avais moins quelque chose, toi. T'étais même pas encore en gestation. Hein. Non, même pas. Quoi. Personne ne pensait à toi. Hein. D'ailleurs, personne ne pense à toi aujourd'hui non plus. C'est hein. Vrai. Merci de pas penser à moi, ça me fait du bien. Ouais, mais moi, je pense à toi tous les jeudis. Enfin, presque. Oui, tous les jeudis. Ouais, ouais. Tous les jeudis. Même la semaine dernière, je pensais à toi. J'ai droit à un message tous les jeudis. Allô, t'es vivant? Non, je suis mort. Donc, groupe formé en 1968, et ce dernier album a été produit par Bob Herzog. Ezrin, hein, comme le précédent d'ailleurs. C'est un album qui fleure bon les années 70, comme je l'ai dit, tu fais taper du pied. On a quand même, enfin c'est 70 mais avec un son moderne quand même, donc, qui serait le... Hein. Est-ce que l'Infinite ne voudrait pas dire retour aux sources? Aussi. Peut-être aussi, oui oui, de toute façon oui, puisque ça sonne vraiment années 70. On retrouve vraiment le purple d'origine. Par contre, il y a des titres qui sont super longs qu'on ne vous a pas diffusé ce soir. Moi ce soir je vous diffuse un titre qui est un peu plus court que les autres. Et ce titre c'est Hip Boots. Hip Boots, Hip Boots. Tu connais Hip Boots? Et voilà, et donc je pense qu'il y a un jeu de mots encore là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah c'est tout, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai bien aimé. Maintenant, on va vous dire quels sont les membres qui apparaissent quand même sur cet album, puisque John Lord est décédé. Donc on a Don Airey, on a Ian Gillan au chant, bien sûr, Roger Glover à la basse, Steve Morse à la guitare, et Ian Paice, bien entendu, toujours à la batterie. Et tous ont été donc compositeurs des morceaux, en plus de Bob Ezrin. Sauf un titre, le dernier titre, qui est une espèce de bonus, on va dire, et qui est une reprise des Doors, et qui s'appelle Roadhouse Blues, et elle est en live d'ailleurs cette reprise. Donc voilà, bon, très bon album de Deep Purple pour ceux qui avaient aimé l'autre album qui était sorti il y a 4 ans, je crois, ou je sais plus. Et bon, j'avais bien aimé aussi, donc voilà. Préparez votre téléphone. 06 80 01 28 34. Oui, parce qu'il y aura plein de choses à gagner durant cette émission. Notamment plein de places de concert et des albums de Bagdad Rodeo, puisque ce sont nos invités. Nous allons enchaîner ensuite sur Earth Electric, qui est un groupe, comme son nom l'indique pas, portugais. Un groupe qui nous vient du Portugal, qui s'est formé en 2014, donc c'est tout récent. Ils nous font du hard rock, c'est sympa. Ils font des concerts en béton. Ouais. Les concerts que tu regardes en haut du mur qu'ils ont construit. L'album s'appelle Volume 1 Solar. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, s'appelle Mountain and Concurrence. Exact. Part 2. Ouais, Part 2. Ou Point 2. Seul... Non, Part 2. C'est sorti chez Season of Mist. Enfin, ça va sortir. Enfin, celui-là, il est sorti chez Season of Mist, mais l'album sortira le 12 mai. Alors, je sais, on est vachement en avance, mais on nous a autorisé à passer ce titre-là. Alors, j'ai dit, bah, oh, je veux pas me priver. Hein, ça fait longtemps. Pour une fois qu'on est pas en retard. Pour une fois qu'on est pas en retard, ouais. C'est leur premier album. Il contient 9 titres et c'est un quintet. Voilà. Et nous continuerons sur un groupe canadien, Tabernacle, et qui s'appelle Side Mind. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle What Remains, tiré de l'album Érosion, un peu comme toi, qui sortira fin mai. Oui, oui, oui. Non, mais on voilà, donc on c'est, est bien. C'est une autoprod, une prématuration. Ouais, ouais. C'est leur premier album aussi. Enfin, il fait 6 titres, mais des titres à rallonge. C'est un groupe de prog. Et ils ont sorti un EP avant. Et ils nous viennent de Montréal. Et ils nous font du prog metal instrumental, donc il n'y aura pas de chanteur, mais avec du violon et du piano. J'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit, on va le diffuser ce soir en avant-première. C'est pour les fans de Symphony X Dream Theater, Aken, Aaron, Neil Morse, Band, Genesis et Rush. Tout un programme. C'est cool la symphonie. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'ai été voir un spectacle, hein, pour, je vais parler de ma life un petit peu. Vas-y, vas-y, parle de ta life. Il s'appelle... Non, on s'en fout. Qui s'appelle Odino et qui fait des reprises symphoniques des titres actuels qu'on entend, notamment Daft Punk par exemple, pour ne citer que, avec un violoncelle électrique. Tu me réveilles quand t'as fini? Bonne nuit. Non, mais c'est pour faire un clin d'œil à la musique bien, symphonique qui est vachement cool. Et donc voilà. Très bien. Donc, pour cher. Ceux qui veulent y aller, c'est Paris, c'est Odino fait. Bobino, voilà. Odino fait Bobino. Mon Bobino, c'est Guetté. Guetté Montparnasse, exact. Donc, nous allons terminer cette première plage musicale avec Nightmare qui seront en concert. Nightmare en concert, oui, mais tu me fais changer de page. Bah oui, très oui, mais tu changes de page et puis c'est tout. Ils sont en concert quand? Ils sont en concert le 15 avril. C'est-à-dire là, ce samedi. Oui, c'est à la Boule Noire. Oui, à la Boule Noire, et on a des places à vous faire gagner au 06 80 01 28 34. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous envoyer? Eh bien, oui, il y a un changement sur le dernier album de Nightmare qui s'appelle Dead Sun. Le changement... C'est maintenant. C'est maintenant. Vous me citez un des membres du groupe qui a changé. Le titre qu'on va vous propose de passer ce soir s'appelle Icarus. L'album est sorti chez AFM le 20 janvier. C'est leur 10e album. Il contient 11 titres et ils nous viennent de Grenoble. C'est un quintet de heavy metal formé en 1979. C'est tout ce qu'on va vous dire, puisque après, sinon, on vous donne. Si, Yves Campion, c'est encore le seul rescapé. Oui, le seul rescapé. Ouais. Voilà. De la version originale. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà. Après, vous vous débrouillez, hein, vous nous direz. Pour rafler votre place, pour aller voir donc Nightmare, et pas seulement, hein, puisqu'il y a Melted Space avec eux. Eh bien, vous nous envoyez au 06 81 01 28 34 votre petit SMS avec un des noms d'un membre de Nightmare qui a changé et qui apparaît sur ce nouvel album. Le concert, c'est le 15 et c'est à la Boule Noire. Nous envoyons la musique tout de suite maintenant, sans plus attendre, et on se retrouve tout de suite après avec certainement un des membres des Bagdad Oreo. Oh, oh, musique! You can bury me up to my knees and shit. Yeah. I don't mind. retour dans les studios. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show avec Tom et Phil pour vous servir. Jen n'est pas là ce soir, mais nous la retrouverons certainement la semaine prochaine. Voilà. Et la semaine prochaine, nous serons, on ne sait pas encore, mais normalement, on devrait être en direct. On devrait être en direct. On devrait, parce qu'on a beaucoup de retard, donc on s'est dit, bon allez hop, on va reprendre du service. Qu'est-ce qu'on a écouté, mon cher Tom ? Tellement de choses. Vas-y, dis-nous. Deep Purple. Le seul, l'unique, le grand Deep Purple group. Alors, c'est électrique. Sideband. Et pour finir, Sideman qui était sympa. Ouais. Musique de film, comme moi j'ai dit à Finch. Taper un titre qui dure 25 minutes comme il y a sur l'album, bah faut faire autre chose en même temps. Voilà. Ouais. Musique d'ascenseur, 25 minutes, c'est pas mal. Et pour finir, Nightmare qui envoie un peu plus et qui était l'objet du concours pour gagner 2 places de concert le 15 avril à la Boule Noire. Et la question était, qu'est-ce qui a changé chez Nightmare ? Donc ouais, si quels vous avez sont trouvé, les membres du groupe ? Je nous en cite juste un. Mais il n'y a personne à trouver. C'est étonnant. Au 06 81 01 28 34. Voilà, et vous allez pouvoir encore gagner des choses, puisque le groupe que vous entendez en fond sonore est il s'appelle comment ? Alter Beast. Exactement, ils étaient présents au Paris Metal France Festival 6 le 6 janvier. Voilà, et donc vous les avez aimés. Donc on les a remis sur une affiche avec Hurlement qui était aussi présent au Paris Metal France Festival numéro 6. Et à l'intérieur de ce groupe Altered Beast, vous retrouvez Niklos, guitariste de ALX. Et voilà. Tout ça, tu les as mis dans une cage. Oui, puisque on va en parler de ça. C'est bien, bien, ouais, bien, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Eh bien, Altered Beast est en studio actuellement et ils enregistrent leur deuxième album qui devrait sortir incessamment sous peu d'ici la fin de l'année. En tout cas, allez les voir en concert puisqu'ils seront donc avec Cage dans la cage de l'espace B. Aux rue Barbanègre. Ah, je croyais que c'était un rodéo à Bagdad qui faisait en même temps. Non, c'est rue Barbanègre et ça sera le 23 avril avec donc Cage en tête d'affiche, Hurlement et Altered Beast. Et nous avons des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Quel est le point commun entre Hurlement et Altered Beast ? Ils ont tous les deux un musicien qui appartient à un autre groupe. D'accord. De quel groupe s'agit-il ? Voilà. C'est simple, hein. C'est très très simple. Voilà. Et tous les deux sont guitaristes en fait dans les groupes. Mais attention, il y a un piège. Mais tous les deux sont guitaristes dans leur groupe, dans Hurlement et dans Altered Beast. Maintenant, il faut trouver quel est le point commun entre ces deux guitaristes. Voilà. Hein ? Ok ? Ouais, on va dire ça. Ouais. Voilà. 06 81 01 28 34. Voilà, si vous voulez rafler donc des places pour aller voir le groupe le 23 avril à l'espace B. Puisque nous en parlions, nous retournons dans la cage avec justement Cage, le groupe cette fois-ci, tiré de leur album Darker Than Black. Et le titre que l'on vous propose d'écouter ce soir, Eyes of Obsidian. Exactement, sorti chez Massacre Records en 2003. C'était le troisième album du groupe. Il contient 11 titres plus un bonus pour ceux qui ont eu la version édition limitée. Le groupe nous vient des États-Unis. C'est un quintet de heavy speed metal formé en 1997. Ah, j'étais en 92. 92 ? Ah, 92, excuse-moi. Ouais, t'as bien raison. C'est 92, c'est pour voir si tu suivais. Tu suis, en plus. Mais je suis, oui. Tu me donnes une feuille, tu me demandes de suivre, je suis. Nous enchaînerons ensuite avec Hurlement, qui seront donc à l'affiche, comme si vous ne l'aviez pas compris, avec Cage, qui seront à l'affiche le 23 avril à Paris, à l'espace B. Hurlement tiré de l'album La mort sera belle, qui est sorti le jour du Paris Metal France Festival, le jour de leur prestation, le 7 janvier. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 7-7-17. Non, c'est le 7 janvier 2017. Et le titre que je vous propose de découvrir ou de réentendre s'appelle Guerrier, sorti chez Emanes Metal Music. Voilà, donc ils seront eux en concert le 23 avril à l'espace B également. Et donc au 06 81 01 28 34, vous pourrez rafler des places pour aller les voir. Et nous enchaînerons avec nos invités de la soirée. Alors eux, je vais pas vous les présenter parce que je les présenterai tout à l'heure. Mais c'est tiré de leur album 3. C'est le troisième. Ouais, c'est le troisième album et c'est tiré de leur album 3. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour dans un monde. Dans un autre monde, comme disait Jean-Louis Aubert. Ouais, mais celui-là, il est. Le monde, il est Idéal. Idéal. Sorti chez Do It hier. Hein, c'est tout récent, c'est tout chaud. On l'a reçu, mais c'était sorti hier. Et c'est du punk and roll, mais on vous en parle tout de suite après, puisque nous aurons Ludo au téléphone, qui viendra nous parler de ce troisième opus, et je pense l'album de la maturité, puisque c'est souvent ce qu'on dit. Il reste encore tête brûlée quand même. Hein. Ouais, je sais pas s'ils seront matures un jour, de toute façon, les Bagdad Rodeo. C'est ça, alors, gosse. Ouais, c'est vraiment des gros sales gosses. On envoie tout de suite la musique, on se retrouve tout de suite après, n'hésitez pas pour participer au concours, pour rafler les places, pour aller voir Nightmare ce samedi, à la boule noire, et pour aller voir Cage, Hurlement Altered Beast le 23 à la l'espace B. Musique. T'as du mal ce soir, toi. Ouais, un peu de mal. We'll be right back. et sans imam, sans croisade et sans djihad, un monde à peu près potable. Je rêve d'un monde idéal, sans pesticides et sans napalm, un monde plus équitable où Sarkozy irait au tribunal. Un monde normal, oui je sais, je suis un salaud, un pacifiste, un sacre chaud. Oui je sais, je suis un blaireau, un salipi bien démato. Sans matière non dégradable, un monde plus responsable. Je rêve d'un monde idéal, sans milliardaire ni crève la dalle. Un monde plus agréable, où Balkany irait au tribunal. Un monde normal, oui je sais, je suis un salaud, un pacifiste, un sacre chaud. Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Roquefort Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, ça c'est pour la France. Par contre pour le Canada, le Québec, c'est 14h, c'est ça, ou 14h30? C'est ça. 14h30 jusqu'à 16h30. Voilà, et donc c'est Radio Biz via radioquebec.biz qui nous diffuse. Et oui, c'est comme ça, nous on sommes dans une émission internationale. Et ce soir, nous recevons, nous allons loin. Ce soir, nous allons dans le sud de la France. Nous allons retrouver Monsieur Ludo des Bagdad Rodeo. Mais avant ça, je vais vous dire qu'on a passé Cage et qu'on a passé Hurlement. Et on vous dira tout à l'heure, on fera un petit rappel sur les concerts et sur les choses à gagner. Alors restez près de votre téléphone parce que ce soir, on fait gagner un album de Bagdad Rodeo tiré de leur album 3. Et on fera gagner aussi deux places pour leur concert qui aura lieu très bientôt à Paris. On va vous en parler, mais pour l'instant, nous recevons Ludo. Bonsoir à toi, mon cher Ludo. Salut Phil, ça va? Oh oui, ça va, parce qu'on a reçu cette petite galette que l'on attendait depuis 4 ans. 4 ans, tu nous as laissé pendant 4 ans comme ça, là, sans rien dire. Nous, on croyait que le groupe, ça y est, c'était terminé. Bagdad Rodeo avait tout dit en deux albums, ce qui était déjà quand même déjà bien, super, puisqu'on vous avait reçu déjà pour les deux précédents albums, avec des sessions live en plus, c'était... génial. Ce soir, pas de session live, mais un Ludo toujours en verve sur cet album. Moi, j'ai traduit cet album comme délicieusement irrévérencieux punk and roll. C'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est un bon qualificatif. C'est bien ça, c'est bien mon film. Ouais, j'aime bien. Adoré. On a voulu commencer par un monde idéal parce que, Bagdad Rodeo nous propose un monde idéal. Ce titre, quand on écoute les paroles, on a tous un petit peu cette pensée-là. On a l'impression aussi que dans tous les titres de Bagdad Rodeo, Charlie 2.0, C'est ma vie, enfin dans pas mal de choses, on se retrouve obligatoirement dans le dialogue, mais sans que ce soit comment expliquer ça sans être vous êtes vraiment des sales gosses, quoi. C'est ça on peut le dire, ouais. Parce que c'est bourré d'humour, mais c'est pas c'est politiquement totalement incorrect tout ce que vous nous dites et vous tapez sur tout le monde, surtout. Moi j'ai franchement mais adoré, quoi. Alors parle-nous un petit peu de comment s'est fait la composition, parce que pendant 4 ans, je suppose que il y a eu énormément de choses qui se sont passées et qui vous ont donné matière à composer pour ce nouvel album. Ouais, déjà c'est un album qui nous a pris beaucoup de temps. 4 ans, comme tu dis, c'est assez long. En fait, on avait commencé à composer juste après la sortie de 2. Et on n'était pas spécialement content du taf qu'on avait fait sur les maquettes de 3, en fait. On trouvait pas ça super. Du coup, on s'est pris une petite pause d'une année. On s'est dit, ok, on va essayer de se ressourcer, de s'inspirer un peu plus, et de se remettre un peu dans l'actu, parce que moi, j'étais un petit peu loin de tout ça, et puis je tournais un peu en rond avec les sujets et tout ça. Et du coup, on a fait une petite pause et après, on s'est remis à fond dedans. Et du coup, avec toute l'actu qui est relativement tout le temps chargée, faut dire qu'on a de quoi écrire des chansons quand même. Ah là, vous avez eu de quoi. Hein. Et puis, on retrouve tout. On retrouve tous les sujets. Alors, il y a des sujets graves. Il y a des sujets un peu plus légers. Et puis, il y a les sujets un petit peu pour monsieur tout le monde, quoi, hein, qui parle ni de politique, ni de religion, autre chose comme ça, mais qui parle un petit peu de soi-même, un petit peu se regarder un petit peu le nombril ou se regarder soi-même dans le miroir et dire je suis pas si parfait que ça, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, on le sait, l'homme humain parfait n'existe pas. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même avoir tendance à essayer de s'améliorer avec le temps. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui oublient un peu cette règle fondamentale et qui restent un petit peu trop cons toute leur vie. Alors, bien sûr, on est tous le con de quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, c'est histoire de pointer du doigt des fois certains comportements qui nous irritent. Hein. Je pense que c'est fait avec une certaine dose d'humour, comme d'habitude, et jamais sans vraiment grande méchanceté. Oui, ça on peut le dire, hein. C'est vrai que c'est jamais méchant, ça tacle quand même pas mal, hein. On peut le dire. Ça s'abatte un petit peu quand même, sinon c'est pas drôle, mais ça incite pas à la haine, ça incite pas à la violence, tu vois, on reste dans un cadre qui est quand même dénonciateur, mais on essaie pas de rentrer justement dans ce côté violence qui nous convient pas, parce qu'on n'est pas comme ça à la base. Alors chaque groupe de récents, hein, qui ont sorti un album récemment, ont tous fait un morceau qui, évidemment, on s'y attendait tous, qui allait reparler des événements, du terrorisme en France et des choses comme ça. Alors vous, votre morceau, il est un petit peu décalé par rapport au reste, c'est-à-dire que vous parlez des gens qui, à un moment donné, se sont insurgés, bien sûr, comme tout le monde, mais sont restés derrière leur clavier. Ouais. Et surtout si après, si tu veux, sur la longueur, on va dire, ont tendance à être tous unis à un moment donné, et après, plus personne n'est solidaire un an après. Et c'est surtout ça, en fait, que moi j'ai relevé, c'est-à-dire que c'est un peu l'effet Coupe du Monde à l'envers, quoi. Tu vois, Coupe du Monde, c'est joyeux, tout le monde est solidaire pendant un an, il n'y a plus de racisme, tout va bien, comme en 98, et puis après, si tu veux, un an après, tout repart. Et là, c'est un peu la même chose, en fait. Et moi, je considère que ça, c'est dommage, parce que les gens ont tendance à prendre des bonnes résolutions l'espace de 24 heures, et puis on va dire que, 3 mois plus tard, tout est oublié, quoi. Ça, je trouve ça dommage. Voilà, en tout cas, ça c'est dit, le morceau est splendide, Charlie 2.0, et moi j'ai vraiment, c'est un de mes morceaux préférés, avec l'un des morceaux que je vais vous passer ce soir. Mais en fait, tout l'album, il est à écouter, à réécouter, et à surécouter, et surtout écouter bien les paroles. La musique est super intéressante également, parce que Vous avez eu l'intelligence, contrairement à certains autres groupes, de varier les plaisirs. Et on a un coup, on a quelque chose qui rentre bien dedans, un peu punk. On a des choses un peu plus ska, on a des choses un peu plus lentes. Donc vous avez vraiment varié les plaisirs du point de vue musical. Comment c'est fait et c'est construit cet album, étant donné que maintenant tu as un petit peu déménagé et je suppose que tous les membres de Bagdad n'ont pas suivi le même déménagement ? Alors en fait non, c'est l'inverse. Moi je me suis rapproché des membres de Bagdad en fait, parce que tous les membres de Bagdad sont dans le sud à la base. Il n'y a que moi qui étais à Paris. Ouais. Et du coup en descendant dans le sud, je me suis rapproché d'eux. Donc tu vois, ça nous a plutôt rapprochés musicalement. Du coup on a pu prendre un peu plus de temps pour bosser ensemble, pour peaufiner justement cet album et surtout comme tu disais au niveau de la musique, parce que on parle souvent des textes, mais la musique a quand même un caractère très important dans Bagdad Rodeo. Et je pense que ça nous a vraiment permis d'explorer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'influence dans cet album. On a vraiment été plus loin dans les choses. Et c'est hyper intéressant pour nous. Et nous, on est très fiers de cet album pour ça, justement. Parce que les textes, on s'en fout un peu, si tu veux, c'est de la merde, c'est comme d'habitude, tu vois, c'est mon petit truc habituel. Mais la musique, pour le coup, on est vraiment fiers sur le sujet, quoi. On a vraiment... on est fiers de notre connerie, pour le coup, là. On a bien travaillé. Vous êtes con, Bagdad Rodeo, mais putain, merde. Ah, mais ils le disent, hein, ils le disent, ils l'avouent. Donc, faut avouer à moitié pardonner, mais attention, hein, à moitié seulement. Ils l'avouent quand même à la fin de l'album. Il y a toujours cette petite surprise, qui n'en est plus une maintenant, mais voilà, ça surprend toujours. Et puis, il y a toujours cette pointe, vous ne vous interdisez, mais strictement rien. Aussi bien musicalement que verbalement. Alors, et même visuellement. Et même visuellement. Même alors, visuellement, ouais. Alors comment ça passe aujourd'hui? Parce que faut dire que tout est de plus en plus lisse, tout est de plus en plus interdit aujourd'hui dans cette nouvelle France. Ça passe au niveau des médias, au niveau des maisons de disques? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve nos amis de Do It qui font la promo pour cet album. Comment se sont passés les démarchages au niveau des maisons de disques? Est-ce que c'est toujours un groupe indépendant qui n'a pas besoin de maison de disques, Bagdad Rodeo, ou c'est un groupe qui cherche une maison de disques, mais que les maisons de disques sont un petit peu frileuses à intégrer Bagdad Rodeo dans leur roadster? Bah non, Bagdad Rodeo ne cherche définitivement plus de maison de disques. Bagdad Rodeo n'en a plus rien à foutre des maisons de disques, en fait. Bagdad Rodeo est parti du principe que, en étant un petit apiculteur, on fait souvent un miel de meilleure qualité. Et donc, on s'est dit qu'on voulait rester là-dedans, en fait. Nous, on a la chance d'avoir une fanbase qui nous soutient vachement, super présente, et avec qui on peut travailler en ce qui concerne la promo et tout, de façon très simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les trucs, on leur explique comment ça se passe, on ne tergiverse pas sur le truc, et au final, ça se passe super bien. Et du coup, ils suivent avec le temps, et puis ils se fidélisent vraiment à notre connerie, donc du coup, on n'a pas besoin de maison de disque, en fait. C'est nous, une petite entreprise familiale, on va très bien. On a le temps de faire nos conneries, on est heureux, hein, tu vois. Après, le reste, on a plus envie de tout ça. Vous savez, on fait ça... Je dis pas qu'on fait pas ça pour arranger, parce qu'on fait ça pour que le groupe grossisse et que le projet grandisse, mais on fait ça à la cool, comme d'habitude, à la Bagdad, tu vois, sans contrainte. On a pas envie d'être, on a pas envie de discours de faire. On a tous que près de 40 balais, donc on n'a pas à entendre un discours d'un mec de 30 balais qui sort d'une maison de disques, ou alors qui a un bac commerce, machin. J'en ai rien à foutre, en fait. Et personne dans Bagdad n'en a rien à foutre. Bon, en tout cas, ça, c'est très bien. C'est assez carré comme réponse ou... Oui, mais non, ça me va complètement et je pense que ça ira droit là où il fallait que ça aille. Et il y a un titre, moi, qui, je te l'ai dit, sur les réseaux sociaux, puisqu'on se parle sur les réseaux sociaux, qui m'a tout de suite botté le cul et qui m'a dit, tiens, ça, c'est toi. Ça, c'est toi, en parlant de moi, bien entendu. Le titre, ça s'appelle « C'est ma vie ». Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi il m'a pris moi pour faire une chanson? Ah ouais, ça c'est bah, en fait c'est pas toi, c'est simplement c'est notre génération. Ouais. C'est notre génération qui est comme ça, la génération de la malbouffe qui a du mal à se motiver à faire du sport, à avoir une activité physique. Enfin, tu vois, tous les trucs classiques, quoi. Voilà, on se laisse pousser le bide et puis après on regrette et puis on va quand même bouffer des andouillettes. Bon bah c'est entre nous quoi. Ouais, entre nous tu fais quoi ce soir là? Ce soir je fais un barbecue. Et bah, t'as... Bien sûr, ce soir, je fais un barbecue, les gars. Bah, t'as bien raison. Et bien, nous, on va aller partir en voyage avec Badad Rodeo sur C'est ma vie, tiré de cet album 3 qui est sorti hier chez Do It. Et on se retrouve tout de suite après avec toi, Ludo. On est parti pour 3 minutes et quelques avec C'est ma vie. Écoutez bien les paroles. Je pense que vous allez, pour pas mal d'entre nous, vous retrouver dans ces paroles. En tout cas, nous, on a kiffé grave. L'album s'appelle 3 et le groupe, c'est Bagdad Rodeo. À tout de suite. Cette année, je veux un corps d'athlète, mais j'aime pas faire du sport entre deux cigarettes. Ça fait déjà longtemps que je veux m'y mettre, sans arrêter la bière ni les soirées raclettes. Pour ta santé, faut manger des concombres, mais moi, mon truc, c'est plus pizza au micro. C'est vrai que les légumes, je trouve ça immonde, et ça me fait faire des odeurs super nauséabondes. 1, 2, 3, 4 et on s'est tiré, on s'éclate. On met son collant et son slip. 9, 10, 11, 12, on évacue toutes ces binous. On lève les bras bien haut pour de beaux abdominaux. C'est ma vie, jogging, alcool et tartiflette. C'est ma vie, café, zumba et cigarette. C'est ma vie, muscu, bacon et quadriceps. Je me mets à la tienne. 1, 2, 3, 4, on s'échauffe bien les omoplates. 5, 6, 7, 8 pour éviter la tendinite. 9, 10, 11, tout pas de kebab sans andalouse. On lève les bras bien haut, on entretient son cardio. C'est ma vie, jogging, alcool et tartiflette. C'est ma vie, café, zumba et c'est un muscle. Bah si, là. Bah si, il y a un muscle, là, si. Bah, tu connais rien, toi. Pourquoi est-ce que la vie est si difficile, alors qu'on pourrait bouffer de la merde bien tranquille? Pourquoi est-ce que je me fais chier à faire des régimes qui vont sûrement foirer quand l'hiver arrive? Pourquoi est-ce que je me fais chier à bouffer des endives? Oui, c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse, les endives. Et en plus, je suis sûr que c'est pas comestible. Bah, moi aussi, je suis sûr que c'est pas très comestible. La la la la. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30 pour la France, 14h30, 16h30 pour le Québec via Radio Biz. Il est 20h38, allez, on va dire 20h40, bien évidemment, sur le Rock for Show. Et nous sommes toujours avec Ludo des Bagdad Rodeo sur ce magnifique nouvel album qui est sorti hier chez Do It et qui s'appelle 3. Alors 1, 2, 3, c'est un petit peu ce qu'il fallait faire comme exercice lorsque vous avez écouté C'est ma vie. Superbe morceau. Et en tout cas, si vous avez besoin de faire de l'exercice, bah écoutez-le et puis faites vos exercices avec. Je pense que ça peut être une très très bonne musique. Avant on avait Gym Tonic dans les années 80, bah maintenant vous pourrez mettre C'est ma vie de Bagdad Rodeo. On est un petit peu les Véroniques et Davina du rock'n'roll. Bah oui, vous leur ressemblez. Bah, hein. Complètement. Parlons un petit peu du clip, puisque Bagdad Rodeo est arrivé avec le premier titre tiré de cet album qui s'appelle Tes idées. Tes idées, plus la pisse, hein, parce que c'est voilà, ça s'appelle Tes idées sur le clip, mais en fait, on peut dire, parce que Bagdad Rodeo ne s'interdit rien et vont directement là où ça fait mal. Ils font avec un peu comme mots, Maurice. Hein. Un peu comme Maurice, ouais, mais ils font avec les mots qui voilà, les mots du langage d'aujourd'hui, hein, on n'a pas à en rougir. Même si ce n'est pas toujours politiquement correct. Mais ça, on s'en fout, parce que la musique, le rock'n'roll n'a jamais été politiquement correct, et ceux qui nous disent le contraire, eh bien, sont dans le faux, à mon avis. Donc, parlons un petit peu de ce clip, Tes idées. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir dessus, au fil, exactement? Eh bien... Quelles idées t'as mis en avance? Ah bah, là, écoute-les, je crois qu'il y en a pour tout le monde. Non, mais pourquoi avoir sorti ce titre-là plus qu'un autre sur cet album? Bah parce que c'est un morceau qui nous plaît bien, parce que il est très d'actualité avec l'élection présidentielle et surtout les affreux 25% du Front National qui nous font quand même très très mal au cul. Parce que voilà, moi je comprends la perdition de certaines personnes, et que certaines personnes ont envie de se retrancher, si tu veux, sur un truc un peu nationaliste parce qu'ils ont peur. Je comprends la peur, mais je comprends pas en fait la peur qui est générée par ces espèces d'enculés du Front National. Parce que moi, franchement, c'est un truc qui me débecte profondément. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a besoin de tout sauf de ça. De se séparer, de se diviser et de partir là-dessus, en fait. On a besoin, au contraire, de l'inverse. On a besoin de vachement plus d'intégration, de compréhension et de tolérance. Ça fonctionne pas, leur système, tu vois. Et surtout qu'en plus, voilà, c'est un parti qui représente pas, pour beaucoup, qui a pas énormément de concepts économiques ou politiques vraiment poussés, tu vois. C'est vachement des punchlines et des trucs lancés comme ça, avec toujours, c'est les autres qui vous ont mis dans la merde. Bref, pour moi, ça marche pas. Et du coup, voilà, donc il y a une partie pour eux, il y a une partie pour nous et le comportement qu'on a, pour aussi les financiers qui partent avec toute la thune, toute notre thune. Voilà, quoi, tous ces trucs-là, quoi, tu vois. C'est pour tout le monde, c'est gratuit, c'est bon. Voilà, et c'était la carte de visite pour présenter cet album, pour patienter surtout, et pour vous montrer que Bagdad Rodeo n'avait absolument pas changé, bien au contraire, était toujours aussi mordant. Et nous, ça nous a bien ravis. Et surtout, j'étais très content de savoir que Bagdad Rodeo était toujours en vie, parce que c'est vrai que quand on reçoit tout un tas de CD, on en oublie un petit peu. Alors c'est pas les amis, on pense toujours à eux, bien qu'ils s'éloignent un petit peu de temps en temps. Mais il y a un moment donné, on est obligé de rentrer dans l'actualité musicale et on se dit, ah ouais, tiens, mince, c'est vrai, Bagdad Rodeo, ils en sont où? Et hop, il y a une petite pointe de rappel qui est là. Et franchement, ça nous a fait bien plaisir. On a relayé tout de suite le morceau. On va vous parler du concert, parce que Bagdad Rodeo sera en concert le 26 avril, ça approche, c'est très bientôt, ça sera à 20h, ce sera au Backstage by the Mill, donc c'est au 92 boulevard de Clichy à Paris, c'est mercredi le prochain, non, dans 15 jours. Non, mercredi dans 15 jours. Et le groupe nous vous offre, hein, si je vais te laisser les offrir d'ailleurs, mon cher Ludo, deux places. Ouais. Hein, oui, allez-y, offrez, soyez généreux. On va être généreux. Alors c'est simple, il y a un point commun sur tous les albums de Bagdad Rodeo. Quel est-il? Voilà, à vous de trouver. Et puis on va justement parler de la cover de ce troisième album de Bagdad Rodeo. Alors en fait, vous êtes pas trois sur la pochette. Vous êtes quatre. Nous. Non, on est 5. Ouais, même 5 en plus, ouais. Mais sur la pochette, ils sont 3, les petits bonshommes. Ils sont 3, mes petits américains. Ouais. Mis dessus. Non, mais ça, c'était vraiment mais toujours le clin d'œil. Vraiment bien. Alors, c'est bien parce que vous vous creusez pas du tout la tête pour chercher un titre au prochain album. Non, c'est 4 le prochain, c'est 4. mais non, mais en fait, c'est fait exprès, c'est parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas ça. On n'aime pas les titres d'albums, moi j'aime pas ça, j'ai jamais trouvé ça intéressant. Je préfère donner des titres à des morceaux, je trouve ça chiant. Donc donner un titre à un album, c'est pas notre truc. Nous, on aime bien donner des numéros, comme ça quand tu les ranges dans ta CD Tech, tu sais où ils sont, quel ordre ils sont, et puis voilà, c'est très bien, tu vois. Et puis en même temps, voilà, c'est normal, c'est notre œuvre sur la globalité, bah alors à des numéros. Voilà, on s'est bien rangé, nous. Alors, il y a Tom, il m'a dit non, mais c'est pas grave, Bagdad Rodeo, il copie sur Led Zeppelin. Ouais, c'est pas faux, ben non, mais n'empêche qu'ils ont une super idée, et que nous, ça, ouais, franchement, là-dessus, on est pareil qu'eux, hein, je pense qu'ils sont avec nous, ils ont pas trop voulu chercher la bite à donner des noms d'album, et puis ils ont fait ça, hein. Ça, c'est une astuce, hein. Moi, je le comprends, les mecs, hein, ils ont bien raison, hein. Franchement, c'est chiant, les noms d'album, tu retrouves un nom poétique, relou, là, ou un nom qui caractérise ton album. Alors que voilà, quand tu fais un album, tu sais de faire un album un peu varié, avec plein de thématiques et tout, bah c'est bien quand il n'est pas résumé à un seul titre, tu vois. Voilà, en tout cas, nous on a bien apprécié. Puis pour nous, c'est simple, on s'en rappelle, parce que souvent, il y a des noms alambiqués. On en a un, là, pour plus tard. Vous allez voir, il fait 3 km de long, le titre. Et je sais même pas si je vais pas pouvoir le dire sans reprendre ma respiration. J'aurais peut-être une petite question pour Ludo. Vas-y. Au niveau de Bagdad Rodeo, comment s'est passée la production, enfin la coprod, parce que c'est une coprod Bagdad Rodeo, et Lasagne et Cowboy Production, comment ça s'est passé avec eux? C'est nous, Lasagne et Cowboy Production. L'astuce, c'est que c'est nous qui nous aidons nous-mêmes, en fait. Tu vois, c'est la Ecovet Production, c'est notre label, en fait. C'est nous qui l'avons monté pour justement être peinard et avoir tout, donc on s'est fait un petit label associatif. Et du coup, là, donc ça se passe très bien avec eux, c'est nous. Donc, non, mais j'imaginais bien que c'était vous. Vu le nom, j'ai dit, ça ne peut être que, j'ai envie de dire. Le nom vous ressemble totalement, quoi. Ah, le nom, mais il est magnifique ce nom, Lasagne et Cowboy Production, avec un petit cheval et tout, en écusson. Ça, c'était à l'époque de Findus, tu sais. Et en fait, on l'a sorti juste avant, comme ça, sans savoir. Et après, il y a eu le scandale Findus qui est tombé, et on a trouvé ça génial. Du coup, on s'est dit, putain, c'est mortel. On est trop en raccord avec l'actualité. En fait, on anticipe l'actualité maintenant. Mais tu peux anticiper ce qui va se passer dans les semaines à venir ou pas, là? Ah oui, tiens, donne-nous tes pronostics, là. Ça nous intéresse. Moi, franchement, vous voulez que je vous dise mon pronostic, mais après, il va être tranquille, mon pronostic, mais parce que voilà, mais je pense que mon pronostic, il va être chelou. Déjà, je vois, Marine Le Pen au deuxième tour, forcément. Et ensuite, en contre Marine Le Pen, pour moi, c'est Mélenchon. Ouais. Bah, nous, c'est ce qu'on se dit de plus en plus, hein. Bah, parce que je pense que les sondages, en ce qui concerne Mélenchon, sont vraiment revus à la baisse. Compte tenu de ce que je vois quand je parle avec les gens, quand je discute avec les gens, de ce que je vois, et surtout de la façon dont apparemment ça fait peur à beaucoup de gens, je me dis qu'il doit avoir beaucoup plus de points que prévu pour que ça fasse flipper les médias et les banques à ce point-là. Ouais. Surtout cette dernière semaine. Donc moi, je vois bien un second tour Mélenchon-Le Pen. Ce qui, je t'avoue, franchement, m'intéresse beaucoup parce que moi, Mélenchon, c'est celui qui me correspondrait forcément le plus parce qu'il a un très beau programme écologique et que nous, avec Bagdad Rodeo, on est assez là-dessus quand même. Donc, on trouve que c'est plutôt bien. Et puis, au niveau culturel aussi, il y a un très bon programme culturel. Donc, on ne peut pas non plus dire que, voilà, on ne soit pas très content de ce choix, si ça se fait. Voilà, et si aucun de tout cela ne vous correspond à tous, là, qui nous écoutez, eh bien, votez Bagdad Rodeo, hein, puisqu'ils ont un programme qui est vraiment varié et pas avarié. C'est un programme musical, c'est un programme plein de joie, de bonne humeur, pas de prise de tête. Franchement, c'est un album qu'on peut se mettre, si on n'a pas envie de se prendre la tête, on met le nouvel album 3 de Bagdad Rodeo, ainsi que le 1 et le 2, hein, puisque ça va de trio. Ben, tant qu'à faire, allez-y les gars, allez-y, y a pas de problème, hein. Et puis ils sont toujours disponibles à la vente, donc si vous voulez nous rapporter un petit peu de rond, n'hésitez pas non plus, hein. On est là pour ça. Hein. Mais... En tout cas, allez les voir, et puis vous pouvez rafler, on vous le rappelle, hein, ce soir, rafler 2 places pour aller les voir à Paris. Y a d'autres dates de tournée, bien évidemment, qu'on mettra sur le site, pour rappeler un petit peu les dates de Bagdad Rodeo. Donc c'est le 26, mercredi 26 à 20h, et c'est au Backstage by the Mill, 92 boulevard de Clichy, 2 places à rafler au 06 81 01 28 34. Voilà, et la question c'est, il y a un point commun sur les trois pochettes de Bagdad Rodeo, quel est-il ? À vous de nous répondre. On accepte même les réponses les plus incongrues, voilà, vous pouvez y aller. Par SMS, hein, bien évidemment. On va parler d'un dernier titre pour ce soir, hein, puisque je pense qu'on va écluser pas mal de titres de Bagdad Rodeo. Il y a de la matière. Hein. Et ce soir, j'avais envie de parler d'amour, de religion et de sodomie. Ah oui, tu me fais plaisir. C'est un pratique, hein, Ludo. Hein. Oui, mais je pense surtout que c'est un beau programme et que là-dessus, on pourrait peut-être être élu sur un beau programme comme ça. il est dur celui-ci, hein. Il est chaud celui-ci. Hein. Mais celui-ci, tu vois, et ce titre-là, donc Love, Religion, Sodomy, c'est un morceau qui me tient à cœur depuis longtemps, en fait. Parce que voilà, moi au Bataclan, j'étais pas très loin de tout ce qui s'est passé, j'ai perdu des potes là-bas. Et donc il fallait que je trouve un moyen d'exorciser tout ça. Et je pense que c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire. Et en même temps, j'aime beaucoup parce que ça tourne un petit peu tous ces extrémistes à la con qui pensent qu'ils peuvent nous faire retourner un peu à l'âge de pierre. Ça les tourne vraiment en dérision d'une façon vraiment horrible. Et j'aime beaucoup ça, en fait. C'est ma petite vengeance personnelle, en fait. Très bien. En tout cas, nous, on a adhéré également. Voilà, c'est pour ça que je vous avais choisi ces titres-là ce soir. Mais vous allez sûrement mourir à cause de ça, vous le savez. Bah, on le sait, on le sait. Vous allez mourir. Bien sûr. Vous le savez. Bien sûr, mais ça, mais nous, on s'en fout, on est des rebelles. Ouais. Bon, bah, très bien, les gars. On se retrouvera après. Bah, on se retrouvera là-haut avec des petites ailes ou des fourches, des queues fourchues, on sait pas, on verra. Ah ouais, hein. Ah non, des fourches, pas des ailes, on va se faire chier. Ouais, bah, tu crois? Ouais, non, c'est clair. Il faut des putes et des barbecues. Ouais, oui. Et des andouillettes, ouais, y a pas de souci. On fera ça. En tout cas, nous, on va te laisser à ton barbecue. Bon barbecue. Merci. Et garde-nous une part, on arrive. On va essayer. Ça serait bien qu'il y ait la téléportation maintenant qui soit inventée. Hein. Il nous reste plus que ça pour qu'on puisse aller faire la fête dès qu'on a fini l'émission. Donc, Bagdad Rodeo avec Love, Religion and Sodomy, tiré de l'album 3, sorti chez Do It hier, le 12 avril. Ça sera enchaîné avec Tagada Jones. Tagada Jones qui doit aussi te parler quand même quelque part. Hein, même si les textes, je trouve, de Tagada Jones, enfin la façon de les chanter, de les dire et autres, sont peut-être un petit peu plus démagos, hein, j'ai envie de dire. Mais ça pointe le doigt, là encore une fois, là où ça fait mal. Et le titre qu'on vous a choisi, c'est « Envers et contre tous », tiré de leur album « La peste et le choléra », qui est sorti au mois de mars, le 3 mars exactement, chez Atom. Et eux aussi seront en concert. Oui ? Qui est un très bon album. Excellentissime album, hein, et ouais, effectivement. Très, très bon album. Et eux aussi seront en concert à Paris le 22 avril, donc deux jours avant vous. Ils seront à l'Élysée-Montmartre avec No One Is Innocent, un groupe avec lequel vous avez tourné, c'était ouais. À la Cigale, c'est ça ? Ouais, et hein, avec qui on va jouer encore cet été, parce que voilà, avec eux et les Fatal Picard d'ailleurs. Ouais, bah, c'est un groupe de potes, donc ouais, ça c'est cool. Et eux, ils seront accompagnés des shérifs, les shérifs qui nous reviennent. Ouais. Et voilà, donc un concert le 22 avril à Paris, Élysée-Montmartre. Et on a également des places à vous faire gagner au 06. 81 01 28 34. Voilà, donc quel est le point commun entre le concert de Tagada Jones et celui de No One Is Innocent ? Eh ben, ils se passent tous les deux à Paris. On vous donne la réponse. Comme ça, vous n'aurez pas à la chercher pour gagner des places pour aller voir Tagada Jones. Ludo, on te remercie, on te fait des gros poutous, hein, et on te laisse retourner à ton barbecue, on te laisse le mot de la fin, on te laisse présenter un petit mot sur le troisième album de Bagdad Rodeo pour que les gens comprennent qu'il faut absolument l'acheter. Exactement, et c'est un album qui est essentiel dans votre discographie parce que c'est un album qui dit tout et rien en même temps et qui va vous détendre et en même temps qui va vous stresser. C'est un album que je considère à l'heure actuelle comme parfait. Sinon voilà, donc là vous allez normalement écouter Love, Religion and Sodomy, donc je pense que c'est Phil vient de signer son arrêt de mort définitivement. Donc ça vous savourez ce moment parce que c'est sûrement la dernière émission que vous allez entendre du Rock for Show parce qu'il risque de se faire décapiter dans pas longtemps. Bon, en tout cas, j'espère que je serai pas décapité avant le concert de mercredi. Non, quand même, dis donc, moi il faut du monde pour faire. Ouais, il y aura du monde et puis surtout, nous on veut venir vous faire des gros poutous avant de plus avoir de tête. Bah pareil, mon fils. Fais-nous tourner la tête encore longtemps et en tout cas, on te fait des gros poutous, on te dit à très bientôt et merci pour cette interview et on envoie tout de suite Love, Religions and Sodomy. Merci. Bye bye. Salut Ludo. Salut. Je me suis posé des milliards de questions. Est-ce que Daesh me fait peur? Est-ce que ces mecs ont raison? Est-ce qu'on doit voiler nos sœurs et enculer des moutons? Est-ce qu'on doit prôner l'horreur au nom de la religion? Du coup j'ai sonné chez Dieu pour quelques explications. Il m'a dit je me suis foiré dans la fabrication. J'aurais dû leur coller une grosse bite sur le front, quitte à Après cette magnifique interview, nous on adore Ludo, on adore Bagdad Rodeo. Et j'espère que vous, vous avez bien aimé également. Voilà, un gars qui ne mâche pas ses mots et en musique également. Donc nous avons passé Bagdad Rodeo tiré de l'album 3, c'était Love, Religion and Sodomy. Et tout de suite après, il y avait Tagala Jones avec Envers et Contre Tous tiré de l'album La Peste et le Choléra. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Thunder. Ça va nous permettre de faire un petit point sur les concerts. Thunder qui sera en concert le 25 avril à la Maroquinerie. Le 22 justement, vous aurez Tagada Jones et nos amis de Bagdad Rodeo qu'on vient d'avoir à l'instant qui seront le 26. Voilà. Mercredi 26 et eux ce sera à Paris, mais au backstage, by the Mill. Et on a aussi le 23. Oui, on a aussi le 16. Le 16 alors. Le 16 avril, un concert qu'on a annoncé plus tôt, qu'on vous a fait gagner des places. Non, non, c'était le au Glazart, non, on n'a pas fait gagner de Punch, Cowards et Deliverance. Voilà. Mais par contre, le 15, il y avait le concert de Nightmare. Oui. Voilà, qui sera avec Melted Space et ce sera la boule noire samedi hein, qui arrive. Et vous avez toujours des places à gagner au 06 81 01 28 34. Il faut juste nous donner le nom d'un des membres qui a changé dans Nightmare. Voilà, c'est tout. Et pour Tagada Jones, que vous venez d'entendre à l'instant, une place à gagner aussi à l'Elysée Montmartre avec No One Is Innocent et les Shérifs. Quel point commun entre tous ces groupes, notamment No One Is Innocent et Bagdad Rodeo et Tagada Jones. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, Thunder, on a dit où ça se trouvait, Thunder? Oui, on la Maroc. On l'a dit, donc on va passer à la suite de la programmation. Encore avec des concerts, hein, puisqu'il s'agira... Alors là, on va changer complètement d'univers. Hein. On a été dans le punk, on a été dans le rock, le metal, tout ça. Et maintenant, on va aller dans le blues. On va se faire un petit côté blues. À l'instar de Joan Shaw Taylor, qu'on avait adoré. Bah là, il s'agit de la petite française Gaëlle Buswell. Il nous a sorti un nouvel album qui s'appelle New Days Waiting et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Freedom Tonight. C'est sorti chez Organic Music le 31 mars, donc on a un petit peu de retard, mais pas trop. On a raté le concert parisien, bien évidemment, mais par contre, vous pourrez vous rattraper puisqu'il y a un autre concert qui a lieu dans la région parisienne, dans le 91, je crois. À Saint-Arnaud, en Yvelines. Voilà, enfin, c'est... Saint-Amand-Sous, au même prix, j'ai dit... C'est Saint-Amand-Sous. Ouais, j'ai dit Saint-Arnaud, voilà. Et la salle s'appelle le Trolls... Trotillard. Et Tortillard plutôt, excuse-moi. Non, Trottillard. Non, Tortillard. Tortillard. C'est ce que je me suis dit, mais tu m'as marqué Trottillard. Et ce sera donc demain. Hein, c'est demain soir au Tortillard à Saint-Amand-Sous dans le 91. Donc c'est du blues et du blues à voix féminine et guitare, bien évidemment. Sachez qu'elle a eu quand même pas mal de récompenses cette année. Elle a remporté le prix France Blues 2016 pour représenter la France à l'European Blues Union en 2017. Donc ça c'est sympa. Elle a remporté également le Grand Prix de Cognac Blues Passion. Moi j'ai la passion pour le cognac. Et puis pas mal d'autres choses. Voilà, sachez que ses influences, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young, The Temperance Movement, Jimmy Barnes, enfin bref, vous avez quand même pas mal de choses, The Band, Johnny Lang, Bonnie Raitt, enfin vous pouvez retrouver toutes ces influences au sein de Gaëlle Buswell. Nous enchaînerons ensuite avec Darcy, eux aussi seront en concert, quand ça? Tu as la date de Darcy, non? Oui, le 29 avril à la Dame de Canton. Voilà, juste caméraman. C'est sur la péniche. C'est un groupe qui a fait la première partie déjà de No One Is Innocent qu'on vous a cité tout à l'heure. Exactement. Voilà. Et le titre qu'on vous propose s'appelle Mitraillette. C'est tiré de leur album Tigre, sorti chez Vericord le 23 septembre 2016. Alors pourquoi on en parle maintenant? Bah parce qu'on vient de le recevoir seulement. C'est un quatuor de rock punk qui nous vient de Rennes. Ils nous font des paroles assez énervées, vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est du rock français du coup? Oui, c'est du rock français, moi j'ai bien aimé. Voilà. Et vous pourrez donc les retrouver le 29 avec Cameraman. On finira avec Inquisition, tiré de leur album. C'est celui-là, je vous avais dit, un album à rallonge. Alors je vais essayer de prendre mon souffle. Bloodshed Across the Empyrean Altar Beyond the... Celestial Zenith, ça c'est juste le titre de l'album. Par contre, le titre du morceau est quand même vachement plus court. comme la durée du titre d'ailleurs, qui s'appelle Mystical Blood. C'est sorti chez Season of Mist. C'est leur 7e album en 2016. C'est sorti, il fait 13 titres plus un bonus pour la version Digipack. C'est un groupe qui nous vient de Seattle aux États-Unis. Ils nous font du black metal. Ils se sont formés en 1988 et ils seront en concert à Paris le 24 avril. Au Glazart, bien évidemment, avec Pylorian et Valborg plus Cobalt. Voilà. C'est tout, on n'a pas de place à vous faire gagner, on envoie tout de suite la musique et on se retrouve tout de suite après, on part pour un petit voyage en blues. Tu veux de la passion, tu devrais fermer ta gueule. chanson. Tu devrais fermer ta gueule et te contenter de tout ce que t'as. Dis-moi ce qui tient la route depuis que t'es là. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi, dis-moi. Ça t'a plu le changement? Comment ça a pu? Les grands guignols. Souviens-toi Zola, c'est ton héritage. Un coq en toile de fond. Putain tout ça pour ça. C'est toujours la même merde qu'on entend en France d'en bas. C'est toujours les mêmes punks. C'est toujours les mêmes bourgeois. C'est toujours les mêmes incestes. Les plus improbables. C'est toujours les mêmes couleurs. Et puis les mêmes chansons. Et les mêmes rêves. Et les mêmes combats. Hey, indignez-vous qui disait. Ouais, indignez-vous qui disait. Putain comme c'est triste maintenant. Le trafic dans la culture. Et ça commence. Et ça commence. Ouais ça pour commencer. Y'a de la force dans les poignets. Par le virus, parce qu'ici tout le monde ouvre sa gueule. Au bistrot comme toujours, y'a les petits discours, des petites gueules et des petites bites. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Ouais, mais avec la mitraillette en main. Du circuler, y'a rien à voir. Allez encore, encore, encore un peu. Viens vers moi, viens vers moi. Apprends à tenir ton avant de tenir debout. Apprends à tenir ton avant de tenir debout. Partout, insécurité, partout, partout. Light, seeds of the temple. De retour dans les studios, d'où son mélodieux de Bleed. Bleed, pourquoi on vous les passe? Pas qu'il y ait une actualité, puisqu'elle est déjà passée, leur actualité, ils étaient en concert il n'y a pas très longtemps, à Paris. Mais c'est surtout que le groupe sera au Hellfest en 2017, voilà, donc ça nous permettait de faire un petit coucou aussi à M&O Music, à Julien et Alexandre, et puis toute leur équipe, hein, donc ça nous permet de leur faire des coucous. Voilà, donc c'est Bleed tiré de leur dernier album sorti chez M&O Music. On va enchaîner avec des petits chouchous qu'on aime bien, nous, en Rock for Show, qu'on a découvert, qui ont joué aussi au Paris Metal France Festival, donc tout est lié, hein, bien évidemment. Le groupe s'appelle Motherfucker Crew, MF Crew, qui nous sort son premier album, donc je vais laisser un petit peu parler notre ami Tom sur cet album. Comment s'appelle-t-il, Tom, l'album de MF Crew ? First Ride. Et le titre qu'on va passer ce soir ? I'm Drowning. Exactement. L'album est sorti le 23 mars. On était à la, release party au Dr. Feelgood. C'était bien sympa. C'est une autoproduction. C'est donc le premier album qui fait suite à la démo qui nous avait enchanté les oreilles au Rock for Show. Le groupe est un quartet parisien qui nous fait du rock metal groovy. Aux influences aussi variées que Black Label Society, Pantera, Alice in Chains, Metallica pour ne citer que les plus visibles, on va dire, mais ils aiment bien aussi ZZ Top. Donc, voilà. Et le groupe sera présent au Fertoi Rock in Fest qui aura lieu donc le 16 septembre. Mais ça, on vous en reparlera en détail puisqu'on fera venir l'organisateur ici qui nous parlera un petit peu de cette affiche qui ressemble quand même beaucoup au Paris Metal France Festival. Il paraît, pas mal de points communs. Voilà. Et d'ailleurs, vous retrouvez un groupe qui commence par un A et qui finit par un X. Il y a Manigance, il y a Attraction Theory, pour ne citer que... Voilà. Et Asylum Empire aussi. Nous enchaînons ensuite avec Night Demon. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que le groupe sort ce... Non, pourquoi je fais ça ? Oui, parce qu'ils ont sorti leur deuxième album, bien évidemment. C'est ça, un album de 10 titres plus 2 bonus pour la version limitée. L'album s'appelle Darkness Remain et le titre que l'on vous passe ce soir, Maiden Hell. Exactement. Ça sort chez SPV le 21 avril. Comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième album. Ils nous font du... c'est un trio de heavy metal formé en 2011. Hein, c'est ça, mon cher Tom ? Yes. Et ils nous viennent des États-Unis, de Californie, en exactement. Voilà. Et on finira avec un petit cadeau, puisque l'album sort pas tout de suite, mais on a un petit cadeau pour vous. C'est le dernier Anathema, qui sortira le 9 juin 2017 chez KS Cascope. Cascope, et on a un titre qui s'appelle Springfield, tiré de leur album The Optimist. Bon, ça c'est pour tous les amoureux du prog metal atmosphérique, c'est pour vous. C'est le 11e album du groupe, 11e album studio, qui fait 11 titres. Le groupe s'est formé en 1990, ils nous viennent de Liverpool, voilà, hein, et on se quittera là-dessus, mais on viendra vous dire un petit temps au revoir sur ce morceau de Anathema. Pour l'instant, on vous envoie la musique et on vous rappelle que vous écoutiez le Rock for Show sur Radio Biz Music. Say Et voilà, c'est la fin. C'est la fin et on est en train de manger, c'est normal. C'est... Voilà, on se prépare. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense qu'on va faire du direct, hein, mon cher Tom. D'accord, bon, hein, je suis dans la merde. Voilà, donc on fait du direct la semaine prochaine. Soit MF avec MF Crew, soit une émission 100% Zik Nouveauté. Parce qu'on a beaucoup de retard sur tout ce qu'on a reçu. On vous laisse avec Anathema. Et on se retrouve même lieu, même heure la semaine prochaine. C'était Rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock. Fort chaud. À la semaine prochaine. Bye bye. Portez-vous bien.